Chapitre 7e. Travail en sous-œuvre. Le major Granville Barney ne parut trouver aucune difficulté à s'installer commodément à Littlewood Park. Il envoya Brighton chercher ses bagages, qui arrivèrent sous la conduite de son valet de chambre, un juif du nom de Salamons. Il y avait à Calcutta des personnes assez médisantes pour dire que cet Israélite à l'œil noir n'avait pas toujours été valet du major, mais qu'il avait été autrefois directeur d'un petit théâtre de province, sur les planches duquel une jolie sœur lui avait rempli les premiers rôles dans les drames anglais. Et ces malveillants anglo-indiens allaient quelquefois jusqu'à affirmer que ladite jolie sœur n'était ni plus ni moins que la charmante Mrs. Granville Barney actuelle, et que le major, se trouvant au congé en Angleterre, était devenu follement amoureux d'elle en la voyant jouer sur le théâtre de son frère et l'avait épousée sans plus tarder. Quoi qu'il en fût, Mrs. Barney était une femme accomplie, élégante, belle et séduisante. Elle possédait la voix de contralto la plus riche et la plus pure qui se pût entendre, et avait cette disposition naturelle pour la musique qui est tellement au-dessus de tous les talents ordinaires qu'elle mérite le divin nom de génie. Si le gras et graisseux valet juif était son frère, elle ne montrait pas une bien grande affection pour ce parent, car elle passait devant lui en tenant ses blanches paupières abaissées fièrement sur ses grands yeux noirs, comme s'il eût été une chose de trop peu d'importance pour qu'elle daignât seulement s'apercevoir de sa présence. Après les deux ou trois premiers jours du séjour du major, l'humeur de Walsingham s'améliora considérablement. Il jouait généralement au billard pendant la plus grande partie de la journée et à l'écarté la moitié de la nuit. Mrs. Varney, Claribel, se montrait quelquefois dans la salle de billard pour regarder jouer ces messieurs. Le major riait et parlait en faisant tourner sa queue. Il adressait des compliments aux dames et causait avec une vivacité intéressable pendant que les boules d'ivoire roulaient sur le drap vert. Arthur Walsingham, au contraire, jouait avec une attention fiévreuse. Il ne paraissait jamais ni fatigué ni ennuyé. Il quittait avec regret la salle de billard et il y revenait avec impatience. À l'heure partie des quartiers du soir, c'était lui qui insistait auprès du major pour continuer le jeu. C'était lui qui retenait son ami à la petite table bien longtemps après que les dames s'étaient retirées. Quiconque aurait vu les visages de ces deux hommes penchés sur la petite table qui était entre eux aurait dit que pour le major le jeu était un plaisir, un caprice ou une complaisance, mais que pour le capitaine c'était une passion profondément enracinée. Pendant que tout cela se passait au château, Gilbert Arnold, le garde, tout en fumant sa pipe à l'ombre de sa porte, regardait d'un œil envieux et haineux les visiteurs et leurs gens. Ainsi donc, le capitaine on ne sait qui est sorti on ne sait d'où, a un ami en visite chez lui, dit-il un matin à sa femme, quelques jours après l'arrivée du major. Il pensait sans doute que mon fils allait se coucher à terre pour qu'il eût le plaisir de marcher sur lui. C'est toujours ce qu'ils attendent, ces grands messieurs. « Mais nous n'en ferons rien, Jim, n'est-ce pas » ajouta-t-il en s'adressant à l'enfant qui se balançait sur la porte du petit jardin. « Nous ne ferons pas quoi, père ? Nous ne nous coucherons pas à terre pour que les riches nous marchent sur le corps avec leurs bottes luisantes, n'est-ce pas, Jim ?»« Non, pas de bonne volonté, père » dit l'enfant en levant sur la face renfrognée du braconnier un regard rempli d'une ruse précoce. Gilbert éclata de rire. « Tu es bien, mon fils ?» « Un copeau du vieux tronc, dit-il, fouin des bassets de ta mère comme du moindre signe de nos maîtres, fouin des stupidités de notre recteur quand il parle d'honorer nos supérieurs et de leur être reconnaissant des restes qu'il nous donne. »« Père, s'écria l'enfant, voici le capitaine, le gentleman aux moustaches et Sir Rapport qui viennent du côté de la grille. »« Ah, alors tu auras une pièce de 6 pence, peut-être si tu te mets sur leur chemin. Prends leur argent, mais ne prends pas leur impudence, Jim, c'est un conseil que je te donne. » L'enfant fit un signe de tête et, quittant la porte du jardin, il courut dans l'avenue. « Les voilà, » dit Gilbert. « Voilà le capitaine et le bel officier, son ami. Je n'ai jamais vu son semblable. Il vous fait clignoter les yeux, tant il est brillant et luisant. Voilà Sir Rupert sur son poney. Pourquoi, mon garçon, n'aura-t-il pas un poney aussi ? Il est bien plus beau pour son âge que celui-ci, » grommela Gilbert Arnold. Les deux gentlemen marchaient ensemble et le capitaine tenait la bride du petit poney du baronnet. « Arthur, dit le major en approchant de la grille, savez-vous quelque chose sur le compte de l'ancien braconnier que vous employez ?»« Rien, si ce n'est que cela a été un fameux vaurien dans son temps, qu'il s'est adonné depuis à la lecture des livres religieux de M. Maysom, et que le dimanche il va à l'église. « Bon, » dit le major, « autrefois braconnier fieffé, et maintenant dévot et hypocrite. Voilà, mon cher Arthur, exactement l'homme que j'ai besoin d'étudier. D'étudier seulement, vous m'entendez ? Vous pouvez me donner quelques détails sur la première partie de son existence, n'est-ce pas ? Non ? Je crois qu'il a passé une année ou deux hors du comté de Sussex, et qu'il a été envoyé en prison dans le Hampshire, pour quelques malentendus avec nos gardes-chasse. Qu'à son retour à Littlewood, il a épousé Rachel Dawson, la fille du garde, et qu'il n'a rien fait depuis que fainéanter autour de sa maison, comme vous le voyez en ce moment. « Oui, le voilà, » dit le major gaiement. « Des yeux jaunes teintés de vert, des yeux de chat, qui changent au soleil. Le pas du chat, lent et prudent, et la traîtrise du chat, s'il en était besoin. Arthur Walsingham, j'étudierai cet homme. » Ils arrivèrent à la grille comme le major finissait de parler. « Bonjour, Arnold, » dit le capitaine. L'homme fit un signe de tête maladroit et ôta sa casquette graisseuse comme en maudissant la nécessité qui l'efforçait. Le petit baronnet, vêtu d'une tunique de velours, regardait le fils de garde avec son pantalon de velours à côte, sa blouse de toile et ses souliers à gros clous. « Diable, » dit le major, « ces deux enfants sont exactement du même âge, du moins on le dirait. « Mon garçon, un an de moins que ça reparte, » grommela Gilbert Arnold. « Un an de moins. Alors c'est un très beau gaillard pour son âge, mon brave. Ils sont juste de la même taille, à ce que je crois. Voyons, sautez à bas de votre poney, baronnet, et voyez qui est le plus grand de vous ou du petit Arnold. » L'enfant sauta à terre et le major plaça les deux enfants dos à dos. Se reporta à ôter son chapeau et les deux têtes arrivaient exactement au même niveau. « Il n'y a pas un pouce de différence entre eux, » dit le major Varney, « et leurs cheveux sont exactement de la même nuance. » Le major avait raison. Les longues boucles du baronnet et les cheveux coupés en brosse de James Arnold étaient du même blond. Les deux enfants avaient les yeux bleus clairs, les joues pâles et les traits secs mais fins. Mais si grande était la différence produite par les riches vêtements et les longues boucles tombant de l'un et les vêtements grossiers de l'autre, que l'observateur le plus superficiel n'eût pas remarqué la ressemblance frappante qui existait entre les deux enfants. « Si mon ami Arnold, dit le major, habillait son fils comme Sir Rupert, ces deux enfants pourraient passer pour frères jumeaux. Baronnet, laissez le petit garçon monter un instant votre poney, que nous voyons s'il sait s'y tenir. » Le major mit l'enfant en selle, mais James Arnold avait hérité du caractère envieux de son père, sans hériter de son courage de bulldog. Dès que le major eut mis le poney au trot, l'enfant devint pâle et commença à crier. « Comment donc ? » dit le major en le faisant descendre. « Il tremble de tous ses membres. Est-ce que par hasard il aurait peur ?»« Il est un peu poltron, » dit le père. « Poltron ? » dit le major. « Poltron ? Je n'ai jamais rien vu de pareil. » Sir Rupert est délicat comme une jeune fille, mais il se tient sur son poney comme un homme, et il n'a pas plus peur d'une haie que moi. « N'est-ce pas, baronnet ? » dit-il en s'adressant à l'enfant qui s'était mis en selle. « Non, major, James Arnold est un poltron. Il crie quand on le touche. Je n'aime pas les poltrons. »« Chut, baronnet, cela n'est pas parlé en gentleman. Le courage est un effet de la constitution, de même que la poltronnerie. Cet enfant n'est pas maître de ne pas s'effrayer, » dit le major en posant sa main sur la tête du petit garçon. « Il est d'un tempérament nerveux, et un homme d'une grande force de volonté pourra faire de lui ce qu'il voudrait. Je parviendrai, j'en suis sûr, à me faire suivre comme un chien par cet enfant. » Et à lui faire deviner les mots sur mon visage avant d'avoir le courage de les prononcer. « Prenez garde à votre fils, Arnold, ou il vous donnera du fil à retordre un de ces jours. »« Merci, monsieur, » répondit le garde d'un ton bourru. « Je ne crains rien. »« Ah, je comprends. Vous n'aimez pas qu'on se mêle de vos affaires. »« N'importe, mon ami. Nous nous comprendrons beaucoup mieux, j'en suis sûr, » dit le major Varney en se frottant les mains, en riant gaiement et jetant de côté un regard sur le garde mécontent. Les yeux de Gilbert Arnold clignotaient sous ce regard inquisiteur, comme si le major eût été un rayon de soleil. « Bonjour, mon ami. Je viendrai tantôt causer un instant avec vous. Allons, baronnet. Venez, Arthur, mon cher ami, en route pour la promenade. » La grille du parc grinça sur ses gonds et se referma derrière les promeneurs au moment où le major prononçait ses derniers mots. Gilbert Arnold quitta son poste favori dès qu'ils furent partis. Il regarda s'éloigner sur la grande route. « Maudit soit cet homme, » dit-il d'un ton féroce. « Je me demande qui il peut être pour venir estimer un homme comme si c'était un chiffre. Que le diable soit de cet insolent aristocrate. » Le major Granville Barney fut longtemps à sa toilette ce soir-là. Il semblait qu'il n'aurait jamais fini de brosser ses cheveux et de peigner sa moustache. Mais il s'arrêta enfin, tenant la main ses deux brosses d'ivoire, et regarda d'un air pensif le juif qui lui servait de valet et qui se tenait près de lui avec le gilet noir de son maître sur le bras. « Salam Hans, vous menez une vie très tranquille dans ce triste château. J'espère que votre intelligence ne se rouillera pas. » dit le major après avoir pendant quelques instants promené sur son domestique un regard sournoisement scrutateur. « J'espère que non, monsieur le major, surtout si j'ai besoin d'exercer cette intelligence, n'est-ce pas, Salam Hans ? Je vous comprends. Vous êtes une très digne créature, Salam Hans, et je serai bientôt, je l'espère, en position de doubler vos gages. Maintenant, prenez votre carnet et écoutez-moi. » Monsieur Salam Hans, tenant toujours sur son bras le gilet du major, tira de sa poche un portefeuille en cuir, l'ouvrit, prit un crayon de mine de plomb et se prépara à écrire. Les feuilles de ce mémorandum étaient remplies dans tous les sens, de sorte que le valet du major eut quelque peine à trouver un endroit convenable. « Il y a la grille du parc, » dit le major, en décrivant avec les brosses une ligne circulaire pour illustrer son discours, « un certain braconnier qu'on appelle Gilbert Arnold. Écrivez Gilbert Arnold, braconnier. » Monsieur Salamon s'écrivit en lettres courtes, grosses, lourdes, entassées les unes sur les autres. « Gilbert Arnold, braconnier. » Il a été enfermé dans la prison de Winchester pour s'être battu contre les gardes-chasse. Mettez la prison de Winchester. Monsieur Salamon s'écrivit « Prison de Winchester » au-dessus de Gilbert Arnold, braconnier. Maintenant, fermez votre livre et écoutez-moi. Le major déposa les brosses et se jeta dans un fauteuil. Monsieur Salamon ferma son calepin, le mit dans sa poche et attendit dans une attitude pleine de déférence les communications de son maître. Ce braconnier a été enfermé dans la prison de Winchester pour un délit de chasse qu'il a commis ici. Il a été deux fois enfermé dans la prison de Hughes pour d'autres délits, mais il a dû commettre quelques crimes pour lesquels il n'a jamais été puni. Et vous tenez à ce renseignement, monsieur ? De la figure même de l'homme, de ses yeux clignotants qui fuient le regard des miens, de son pas indécis et de son attitude rampante. Chaque matin en se levant, cet homme se dit « Je puis être arrêté ce soir ». Au moment où il va pour se raser, il rejette le rasoir car il pense « Peut-être avant ce soir, porterai-je les habits de la prison ?» Salam Hans, il y a des années, cet homme a commis un crime et il a pu éviter jusqu'ici d'être découvert. Il vit dans la crainte perpétuelle d'être arrêté. Peut-être se croit-il en sûreté maintenant, mais la crainte est devenue une telle habitude de son esprit qu'en dépit de lui-même, il a peur. Ah, Salam Hans, quelle consolation pour un homme d'avoir une conscience nette et de n'avoir pas à craindre de porter un jour les vilains habits des prisons. Le major se mit à rire à haute voix à cette pensée consolante. Maintenant, Salam Hans, vous pouvez deviner ce que je vais vous demander. Il faut partir d'ici à demain matin. Je vous dirai où et comment vous prendrez des informations. Je compte sur votre sagacité et je vous dis tout simplement « Découvrez les secrets de la vie passée de Gilbert Arnold et apportez-les-moi. J'ai comme une idée que cela pourrait être utile un jour ou l'autre. Maintenant, donnez-moi mon gilet. » Le major termina sa toilette et renvoya son valet. Une porte s'ouvrit et Mrs. Varney, vêtue de blanc, avec des fleurs naturelles dans ses cheveux noirs, parut sur le seuil. « Vous avez une toilette on ne peut plus charmante ce soir, idole de mon âme, » dit le major avec tendresse. « Ces fleurs ont un air de divine innocence qui vous sied à merveille. « Ada, ou Adeline Barney, aimeriez-vous devenir maîtresse de Littlewood Park ?»« Ne dites pas de folie, Granville, » dit la jeune femme, « mais descendons. Je croyais que vous n'en finiriez jamais avec votre toilette ce soir. »« Ada, la traînée nécessaire pour miner cette maison doit être bien longue, et je crois que nous devrions déjà la commencer et étendre la poudre à une certaine distance, n'est-ce pas ? Mais ne vous inquiétez pas, cher ami, le grand système est à l'œuvre. Alfred Salamon a reçu ses instructions. » Il y a encore de grandes choses à faire, mais nous arriverons à notre but, avec une conscience nette, et sans avoir à craindre ni prison ni punition, depuis le commencement jusqu'à la fin. »